Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les larmes de la rue Copernic. C'était l'une des plus anciennes enquêtes judiciaires encore en cours en France. Au mois de juillet dernier, 37 ans après les faits, les juges d'instruction ont annoncé la fin de leurs investigations sur l'attentat à la bombe qui fit 4 morts et 46 blessés devant la synagogue de la rue Copernic à Paris le 3 octobre 1980. Jamais revendiqué, cet acte antisémite avait été imputé à l'époque à un groupuscule proche des milieux d'extrême droite. Très vite, l'enquête de la police, influencée et orientée par certains responsables politiques, allait s'embourber dans cette thèse. Il aura fallu attendre plusieurs décennies et le milieu des années 2000 pour qu'un jeune juge d'instruction, Marc Trévidic, donne une nouvelle direction au dossier. Sur la base d'éléments nouveaux provenant des services de renseignement, le magistrat lance alors de nouvelles procédures. Sous son impulsion, les enquêteurs français remontent une autre piste. Une opération commando menée par les membres d'une cellule terroriste palestinienne. Et la justice va débusquer un suspect qui pourrait être le principal organisateur de l'attaque. Où en est-on aujourd'hui? L'affaire de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic aurait-elle droit à un procès? Dans quel état d'esprit les familles et les proches des victimes se trouvent-elles? Après le récit, nous recevrons Maître Bernard Cahen, avocat au barreau. Paris, il défend et accompagne depuis le début de la procédure judiciaire l'une des familles de victimes de l'attentat. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Le racisme, ça existe, très profond à l'intérieur de l'homme. Je crois que petit à petit, ça peut s'atténuer, ça peut s'affaiblir. Ceux qui ont les plus grandes responsabilités peuvent s'employer à combattre de pareilles déviations. Mais ça existe encore, bien entendu. La scène que vous venez d'entendre se déroule en 1977. Ce jour-là, Pierre Mendès-France, ancien ministre et ancien président du Conseil, s'exprime au micro de Jacques Chancel pour le magazine de France Inter Radioscopie. Malgré le poids des années, la voix de l'ancien leader de la gauche reste forte sur les grands sujets d'actualité. D'autant que, lorsqu'il aborde le malaise que traverse notre pays, il le fait sans nuance. Je le cite. Trois décennies après la fin de la guerre, on aurait pu croire que l'antisémitisme avait disparu, mais non. Il est toujours là, à nos portes. Rien ne nous empêche de nous retrouver demain face à un nouveau procès Dreyfus. Pour bien comprendre la situation telle que l'a décrit Pierre Mendès-France, il faut se souvenir qu'au milieu des années 70, la France est le théâtre d'une recrudescence des actes racistes et antisémites. À Paris et dans les grandes villes, les groupuscules antisionistes et antisémites foisonnent. Ils agissent la nuit et bien souvent à l'abri des regards. Ils cassent ou taguent des vitrines, ils visitent et vandalisent des cimetières. Enfin, ils menacent et agressent les membres de la communauté juive ou toute personne apparentée. Au total, on recense en France 122 actes antisémites commis par des groupes néo-nazis pour la seule année 1976. Et pour ne rien arranger à ce tableau, une autre menace apparaît progressivement. Après la tragédie des Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972 et le massacre de 11 membres de la délégation israélienne par le groupe Septembre Noir, l'opinion française prend conscience d'un nouveau danger, le terrorisme en provenance du Proche-Orient. Et le territoire français va très vite devenir le théâtre de cette expression sanglante. Le 20 mai 1978, à l'aéroport d'Orly, un petit commando de plusieurs individus armés de fusils automatiques ouvre le feu sur des passagers en instance d'embarquement pour Tel Aviv. Le bilan fait état de 8 morts et d'une dizaine de blessés. Parmi les terroristes abattus, tous appartiennent à des mouvements de libération de la Palestine. Très vite, la crainte d'un nouvel épisode meurtrier se fait sentir chez les Parisiens. Pourtant, les responsables politiques, eux, refusent de croire à un mouvement plus large. Sans doute parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est leur politique au Proche-Orient, notamment, qui est à l'origine de ces actes violents. C'est donc dans ce contexte très particulier, marqué à la fois par l'antisémitisme en France et par la tension en Palestine, qu'un nouvel événement dramatique va survenir, et cette fois en plein cœur de Paris, à l'automne 1980. Vendredi 3 octobre 1980. En cette fin d'après-midi, le temps est chaud et ensoleillé sur la capitale. rue Copernic, dans le 16e arrondissement de Paris, les habitants du quartier font leurs courses dans les boutiques. D'autres rentrent du travail ou sont allés chercher leurs enfants à l'école. Un peu plus loin, au numéro 24 de la rue, derrière les murs de la discrète synagogue de l'Union libérale israélite de France, plusieurs centaines de personnes fêtent la fin du Shabbat et célèbrent par la même occasion les bar mitzvah de 5 adolescents. C'est l'ancien déporté Emile Kassman qui dirige ce soir-là l'office de la prière. À ses côtés, le jeune rabbin Michael Williams regarde sa montre. La cérémonie a déjà une demi-heure de retard. Ce soir, la salle est comble. Les gens sont venus en famille. Les minutes passent et l'office se déroule dans le plus grand calme. À 18h38, Emile Kassman débute le sermon. L'assistant se lève. Puis, sans qu'on comprenne pourquoi, en l'espace d'un instant, des morceaux de verre tranchant ricochent sur le sol de la salle de prière. Le rabbin Williams a à peine le temps de lever les yeux au ciel qu'il s'aperçoit que la verrière de l'édifice leur tombe dessus. Dehors résonne brutalement le bruit assourdissant d'une explosion. Sa puissance est telle qu'une des portes de la synagogue est soufflée. Des bancs sont projetés en l'air, le sol tremble. Les enfants se mettent à crier. Immédiatement, les adultes se précipitent sur eux pour les protéger. En l'espace d'un instant, la cérémonie religieuse vient de basculer dans l'horreur. Immédiatement convaincu qu'il s'agit d'un attentat ou du préambule à une éventuelle fusillade, Emile Kassman et Michael Williams conjurent la foule de rester à l'intérieur de la synagogue. Autour d'eux, les gens sont sous le choc. Nombreux sont ceux qui ont la chair entaillée par des bouts de verre. Quelques minutes plus tard, lorsque les policiers arrivent rue Copernic, ils font face à un véritable chaos. Sur 150 mètres, les murs des immeubles sont criblés d'impacts. Toutes les portes ont été défoncées, les vitres ont volé en éclats et les devantures des magasins ont été arrachées. Au milieu de la rue, une importante colonne de fumée noire s'échappe d'une carcasse de véhicule en feu. Plusieurs voitures ont été projetées sur la chaussée comme de vulgaires jouets d'enfants. Certaines d'entre elles sont en flammes, d'autres sont en pièces. Et puis, au milieu de tout cela, on aperçoit les restes d'une moto pulvérisée. Autant d'éléments qui témoignent de la violence de l'explosion. Lorsqu'il sort à son tour de la synagogue pour inspecter la rue, le rabbin Michael Williams découvre le casque blanc d'un motard posé sur le trottoir. À côté, gît le corps d'un jeune homme de 22 ans. Il a été tué sur le coup. À quelques mètres de là, deux autres cadavres sont dégagés par les secours, celui d'une journaliste israélienne et celui d'un chauffeur d'une famille qui fréquente la synagogue. Non loin, un concierge, grièvement blessé, est entre la vie et la mort. De leur côté, les blessés se comptent par dizaines. Les pompiers sont rapidement débordés et s'organisent comme ils peuvent. Quelques minutes plus tard, alors qu'une foule de badauds s'agglutine place Victor Hugo à l'entrée de la rue Copernic, une équipe d'Antenne 2 arrive sur place. Le rabbin de la synagogue, Michael Williams, exprime alors toute sa colère face à la caméra. Une bombe plantée par nos amis, les antisémites et les nazis de France. Que peut-on dire sauf une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour tous les juifs de France? Nous n'avons pas peur. Et demain matin, nous allons prier dans cette synagogue de la rue Copernic, demain matin et la semaine prochaine et toute la semaine et pour toujours. Nous n'avons pas peur. Dans la demi-heure qui suit, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, arrive rue Copernic, flanqué du commissaire de la brigade criminelle, Marcel Leclerc. Les deux hommes découvrent à leur tour un tableau dantesque, une sorte de Beyrouth sur scène, écrira plus tard le policier. À cela s'ajoute une ambiance électrique. Le ministre est d'ailleurs rapidement pris à partie. Certaines personnes scandent « Bonnet démission, Giscard assassin ». Spontanément, un grand rassemblement s'organise sur les Champs-Élysées pour dénoncer le fascisme ambiant dans la société française. Je reprends les mots de la manifestation. Non loin de là, Emile Kassman, l'homme qui dirigeait l'office dans la synagogue, répond au micro d'un journaliste de France Inter. C'était pour la synagogue, mais pour la sortie des fidèles, car il y avait ici 600 fidèles, dont 200, c'était l'intention de tuer. Il y avait combien de personnes dans la synagogue, combien d'enfants en particulier? Ici, à cet office, il y avait 200-250 gosses. Combien d'enfants ont été blessés, ont été emmenés? Les enfants n'ont pas été touchés. Les parents se sont jetés sur les enfants et n'ont pas été touchés. Est-ce que vous aviez déjà reçu des menaces, Monsieur Kassman? Des menaces par téléphone, par lettre, mais même chez moi, je reçois des coups de téléphone à 1h, 2h, 3h du matin. Quelle est ce soir votre réaction de juif, votre réaction d'homme? C'est abominable de voir qu'il y a des enfants qui sont visés, car ce sont les enfants qui sont visés. Dans la soirée, un premier bilan recense 3 morts, 46 blessés et plus de 250 victimes de dégâts matériels. Chose rare, malgré l'ampleur de la catastrophe, l'Élysée reste silencieux, aucune réaction. Alors les journalistes se tournent vers le Premier ministre, Raymond Barre. De retour d'un déplacement à Lyon, le chef du gouvernement les reçoit sur le perron de Matignon et commet l'une des plus grosses gaffes qu'on puisse imaginer à ce niveau de responsabilité. Écoutez, je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Des Français innocents parmi les victimes, des paroles comme celle-là de la part d'un homme si sage, c'est une formule catastrophique, elle est largement reprise dans la presse et son effet est désastreux. Dans le climat d'indignation générale qui domine, elle suscite la colère plutôt que l'apaisement, évidemment. Le lendemain, plusieurs milliers de personnes se rassemblent pour une grande marche silencieuse sur les Champs-Élysées. À leur côté, de nombreux responsables politiques, dont le leader de l'opposition, François Mitterrand, s'affichent en tête de cortège. Dans les rangs des manifestants, on hurle « halte au racisme, halte au fascisme ». Car pour beaucoup, il ne fait aucun doute que ce sont des agitateurs d'extrême droite, sans doute proches des mouvements néo-nazis qui sont derrière cet attentat. La tension sur place est à son comble. Et lorsque la police demande à la foule de se disperser, on assiste au premier dérapage. Des jeunes manifestants lancent des bouteilles sur les forces de l'ordre qu'ils accusent au passage d'être infiltrés par les mouvements fascistes. Il faut alors toute la diplomatie de la députée européenne Simone Veil pour éviter que la situation ne dégénère. Écoutez-moi tous, écoutez-moi. Nous avons fait ce que nous voulions. Nous nous sommes recueillis ce matin. Nous nous sommes recueillis ce matin à la synagogue. Nous avons ensuite manifesté silencieusement dans la dignité. Maintenant, écoutons ce que nous a dit le rabbin à la synagogue. Il nous a dit « Ne vous comportez pas comme ceux que vous combattez ». Alors surtout, ce que je vous demande maintenant, c'est que conservons la dignité que nous avons eue jusqu'ici, dispersez-vous et rentrez chez vous sans oublier. Une semaine plus tard, une nouvelle marche de solidarité se déroule, cette fois dans le calme, entre les places de la République et de la Nation. Elle réunit plus de 200 000 personnes et une grande partie de la classe politique, à l'exception des responsables de la majorité et de la droite gaulliste. Dans les jours qui suivent, à son bureau du 36 Quai des Orfèvres, siège de la brigade criminelle, le commissaire Marcel Leclerc poursuit son enquête. Les premières analyses lui ont permis de déterminer que la bombe qui a explosé rue Copernic avait été placée dans la sacoche d'une moto bleue de marque Suzuki, dont on a retrouvé la carcasse éventrée à quelques dizaines de mètres de l'entrée de la synagogue. Pour ce qui concerne l'explosif, les relevés de plusieurs résidus indiquent qu'il s'agirait d'une bombe à base de pintrite, une substance chimique extrêmement destructrice et qui requiert une grande dextérité dans le transport, comme dans l'utilisation. Mais c'est une autre information qui retient l'attention de la presse. On découvre que la bombe était réglée sur un minuteur, autrement dit. Si la cérémonie religieuse du vendredi 3 octobre dans la synagogue n'avait pas pris de retard, la bombe aurait pu exploser à la sortie des fidèles. Ce qui, à n'en pas douter, aurait débouché sur un bilan encore plus lourd. Alors, s'agit-il d'un acte de l'extrême droite pour tuer des juifs, comme l'insinuent avec insistance de nombreux médias, ou existe-t-il une autre piste ? L'enquête du commissaire Leclerc navigue pour l'instant en eau trouble. Oh, bien sûr, il y a cet appel d'un correspondant anonyme à l'agence France Presse, une heure seulement après l'explosion, pour revendiquer l'attentat au nom des faisceaux nationalistes révolutionnaires, un groupuscule d'extrême droite. Mais la piste est un peu faible et n'est pas prise au sérieux par les enquêteurs. Pour tenter de débloquer la situation, le préfet de police de Paris, Pierre Sommeveil, organise alors une conférence de presse. En tant que responsable des mesures d'ordre et de sécurité dans la capitale, je fais appel à l'esprit civique des Parisiens et des Parisiennes. Que ceux qui sont susceptibles d'apporter leur contribution à l'aboutissement de l'enquête n'hésitent pas à se manifester. Il ne s'agit pas de délation, mais de contribuer à mettre hors d'état de nuire des individus qui cherchent à dresser les Français les uns contre les autres. À cette époque, à la brigade criminelle, il n'y a pas encore de section antiterroriste. Léon dit, le porte-parole, porte-à-porte, demeure le nerf de l'enquête. La police passe donc le quartier de la rue Copernic au peigne fin. Et très vite, les efforts des hommes du commissaire Leclerc portent leurs fruits. Ils identifient un magasin de moto à quelques centaines de mètres de lieu de l'attentat, avenue de la Grande Armée. C'est ici qu'a été acheté en dollars américains, le 23 septembre 1980, la moto Suzuki, sous laquelle a été cachée la charge d'explosifs. Coup de chance, l'acheteur a laissé une adresse d'hôtel pour être éventuellement recontacté. Les policiers se rendent donc sur place. Le concierge de l'établissement leur remet une note manuscrite signée de la main de cet individu, et une prostituée accepte même de faire son portrait robot. L'homme a loué la chambre sous le nom d'Alexander Panadriou et aurait prétendu être chypriote. Voilà des indices précieux, mais que les policiers ne vont pas réussir à exploiter, car dans cette affaire, quelque chose leur échappe. Ainsi, après 10 mois d'enquête préliminaire, une information judiciaire est ouverte en août 1981. Au même moment, on interpelle l'auteur de la revendication téléphonique. Il s'agit en fait d'un affabulateur. Ensuite, les mois et les années passent. La France subit de nouveaux attentats, dont celui de la rue des Rosiers, et le dossier d'enquête de la rue Copernic, faute d'éléments nouveaux, plonge dans les limbes judiciaires. Il faudra attendre 28 ans, oui, près de 3 décennies après les faits, pour que l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic fasse un retour spectaculaire à la une de l'actualité. I just want to love you in my own language. France Inter. Il est 7h05, rebondissement Michael, dans une enquête vieille de 28 ans. On parle de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. C'était à Paris en 1980, une bombe qui explose à quelques mètres de cette synagogue. 4 morts, 3 Français et une Israélienne. Eh bien, l'auteur présumé a été arrêté hier soir à Gatineau, au Québec. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il doit être présenté à un juge canadien dès aujourd'hui. Le 14 novembre 2008, l'opinion publique découvre à la une de l'actualité le visage d'un homme de 54 ans. Cet individu libano-canadien d'origine palestinienne, professeur de sociologie à l'université d'Ottawa, répond au nom de Hassan Diab. Et pour la justice française, il s'agit du principal suspect dans l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic. Partout dans l'Hexagone, l'annonce de son arrestation fait réagir. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent. Comment expliquer ce soudain rebondissement 28 ans après les faits? En réalité, tout cela ne doit rien au hasard, bien sûr. Ou plutôt, tout cela doit beaucoup à la ténacité d'un seul homme. Il est juge d'instruction au pôle antiterroriste du parquet de Paris. Il s'appelle Marc Trévidic. Après des décennies d'errance et de fausses pistes, le jeune juge décide de rouvrir le dossier Copernic à un legs de son prédécesseur, le juge Jean-Louis Bruguère. Sur la base de documents d'époque, comme la fameuse fiche en papier carton d'hôtel rédigée à la main par le terroriste présumé, grâce aussi à un minutieux travail de synthèse et de recoupe d'informations provenant des services de renseignement français, comme cet échange entre la DST et les services du contre-espionnage allemand qui évoque, dès les années 80, une piste palestinienne dans l'attentat contre la synagogue. Ou encore, grâce à cette note des renseignements généraux qui affirment qu'un certain Hassan aurait fait partie du commando ayant posé la bombe, eh bien le juge Trévidic lance dans la foulée de nouvelles commissions rogatoires. Sous son impulsion, les enquêteurs se remettent au travail. Et très vite, le poisson va mordre. En effet, après plusieurs mois d'enquête et de nouvelles auditions aux États-Unis, les policiers français, le juge Trévidic retrouve la trace du dit Hassan. L'homme, qui porte sur son passeport le nom de Diab, vit dans la province canadienne de l'Ontario. Il enseigne à l'université et il ne se cache pas. Pour preuve, le journaliste du Figaro, Jean Kikizola, raconte au micro de France Inter avoir même assisté à l'un de ses cours. Je vais assister tout bêtement à son cours à l'université d'Ottawa. Ce jour-là, le cours porte, dans mes souvenirs, sur marxisme et féminisme, bourré de références, plutôt intéressant, en anglais, hein, il dit ne pas parler français. Et donc, oui, c'est un intellectuel, très apprécié de ses étudiants, très apprécié aussi d'ailleurs de ses maîtres anciens, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Je vais rencontrer un professeur tranquille. Un professeur tranquille, mais dont le passé présumé intéresse au plus haut point la justice française. Car dans sa manche, le juge Trévidic possède plusieurs éléments qui laissent à penser qu'Hassan Diab était bien le chef de la cellule terroriste qui a posé la bombe devant la synagogue. Il y a tout d'abord le fameux portrait robot de la prostituée dont nous vous avons parlé en début de récit. L'homme à moustache et aux cheveux mi-longs ressemble trait pour trait à une photo d'Hassan Diab jeune. Autrement dit, Hassan Diab se serait fait passer pour le faux chypriote Alexander Panadriou. Puis, la découverte d'un faux passeport avec sa photo et des tampons d'entrée de sortie d'Espagne où aurait transité le commando palestinien qui serait venu perpétrer l'attentat rue Copernic. Il y a aussi une expertise graphologique de la note retrouvée à l'hôtel à Paris authentifiée comme étant bien de la main d'Hassan Diab. Il y a enfin le témoignage d'un couple qui le met en cause pour avoir appartenu au groupe d'activistes palestiniens au début des années 80. Alors, l'aimable professeur de sociologie, père de 4 enfants, est-il l'ancien chef d'un escadron de la mort qui a sévi à Paris? Est-il la main qui a déclenché la bombe de 10 kilos de peintrite devant la synagogue rue Copernic ce vendredi 3 octobre 1980? Les magistrats en sont convaincus. Parmi ceux qui se félicitent en tout cas de cette arrestation, il y a l'ancien commissaire de la brigade criminelle Marcel Leclerc, l'homme qui avait à l'époque mené les premières investigations dans ce dossier. Au micro de France Inter, il se souvient des conditions de travail et du contexte très difficile autour de cette affaire. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement redoutable parce que d'abord c'est dans un contexte dramatique et puis c'est dans un climat émotionnel extrêmement important. Je me souviens encore que quand je suis arrivé sur place, eh bien, il y avait toutes les familles des fidèles de la synagogue qui criaient leur colère. Donc si vous voulez, tout ça était fort compréhensible. Mais bon, il fallait que nous soyons maîtres de nos nerfs et que nous gardions notre sang-froid pour pouvoir recueillir un maximum d'éléments sur place et faire notre travail, vous voyez. 28 ans après, si je comprends bien, le gant a été relevé et des magistrats et des enquêteurs sont sur le point d'aboutir. Je m'en félicite pour les victimes et pour la société en général. Par la voix de son avocat canadien, Saint-Diab dément toute participation à l'attentat. L'homme assure qu'il se trouvait à Beyrouth, au Liban, au moment où la bombe a explosé. Il affirme, détail à l'appui, qu'il passait ses examens à l'université. Pour justifier ses dires, le professeur de sociologie donne même le nom de deux personnes ayant révisé les épreuves avec lui. Parmi les autres témoins interrogés, il y a son ex-épouse, une femme du nom de Nawal Kopti. Interrogée par le juge Trévidic, elle assure qu'Hassan était bien au Liban dans les jours qui ont précédé l'attentat. Un témoignage fragile, car un an plus tôt, cette même Nawal Kopti avait refusé de s'expliquer devant les magistrats français. Aussi, les enquêteurs soupçonnent-ils l'ex-femme d'Hassan Diab d'avoir par la suite tenté d'entrer en contact avec lui, ceci dans le but d'accorder ensemble leur version. De son côté, maître René Préval, défenseur d'Hassan Diab, réagit à cette arrestation. Pour lui, son client est victime d'une regrettable homonymie. Cette ligne de défense, c'est erreur sur la personne. On se méprend lorsque l'on prétend que mon client est la personne qui est représentée par un portrait robot qui a maintenant 28 ans. Placé un temps en détention provisoire, Hassan Diab est ensuite remis en liberté quelques mois plus tard, en mars 2009, dans l'attente de sa possible extradition vers la France. Au Canada, les années passent, le professeur de sociologie reprend sa vie et son poste à l'université. Il faut dire que dans l'état de l'Ontario, l'affaire n'a pas entaché sa cote de popularité. Hassan Diab possède de nombreux soutiens. Ses partisans créent même un comité et manifestent par dizaines et à plusieurs reprises devant le tribunal d'Ottawa pour demander qu'il ne soit pas extradé et qu'il soit jugé de façon arbitraire en France, car eux sont convaincus qu'il y a bien erreur sur la personne. Pire, pour les magistrats du pôle antiterroriste du parquet de Paris, un juge de l'Ontario déclare, face à des journalistes, que les charges dans le dossier d'instruction fourni par Paris sont, je le cite, « faibles » et que rien n'oblige le Canada à extrader Hassan, qui n'était pas citoyen canadien, au moment des faits. Pour seule et unique stratégie, Hassan Diab, lui, se retranche derrière son droit au silence. L'homme évite les apparitions publiques. Ses avocats, eux, enchaînent les demandes au tribunal. Ils usent de tous les artifices de procéduraux pour s'opposer à son éventuelle extradition. Un éprouvant jeu de patience s'installe alors entre Paris et Ottawa jusqu'au printemps 2012. Car après 4 ans de tergiversations et de tractations, le ministre de la Justice canadien signe enfin l'ordre d'extradition. Hassan Diab fait appel de cette décision, mais il sait désormais que le temps joue contre lui. Il tente alors le tout pour le tout et plaide sa cause dans les médias, comme ici, face à la caméra du journal en ligne Ottawa Citizen. Ma vie a basculé à cause d'accusations et de soupçons infondés. Je suis innocent. Je ne me suis jamais engagé dans le terrorisme. Je ne suis pas antisémite. Je me suis toujours opposé à la bigoterie et à la violence. Samedi 15 novembre 2014, au petit matin, l'avion qui transporte Hassan Diab se pose à l'aéroport de Roissy. À sa sortie de l'appareil, plusieurs agents du Service national des transferments le prennent en charge et l'escortent. Direction le pôle antiterroriste du Palais de justice de Paris, où le juge Marc Trévidic attend depuis 6 ans de pouvoir l'interroger. Après son audition, Hassan Diab est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée. On le place en détention provisoire. Pour Bernard Cahen, avocat d'une des parties civiles dans ce dossier, il s'agit d'une première victoire symbolique dans le combat des victimes pour obtenir justice. c'est évidemment une grande satisfaction. Les terroristes sauront que, quelle que soit la durée, ils seront poursuivis et ils pourront être jugés de nombreuses années après, donc ils ne vivront pas tranquilles durant toute leur vie. Un an plus tard, au printemps 2015, signe que les choses avancent sur le plan judiciaire, le juge Trévidic signe 4 nouveaux mandats d'arrêt internationaux contre d'autres personnes suspectées d'avoir fait partie du commando de la rue Copernic. 2 d'entre elles vivent en Jordanie, la 3e a été vue en Cisjordanie et la dernière serait en Norvège. Trois ans d'enquête et d'investigation auront donc été nécessaires au juge pour remonter la piste de ce petit commando dont le chef serait Hassan Diab. Au même moment, le juge Trévidic est contraint de quitter ses fonctions du pôle antiterroriste. Le juge Jean-Marc Herbeau prend sa relève. Et alors que tout laisse à penser que le plus dur a été fait et qu'on s'achemine vers un possible procès, plusieurs rebondissements vont venir perturber le cours de l'instruction. Le 12 mai 2016, à la surprise générale, un juge des libertés de la détention considère qu'un doute existe sur la question fondamentale de savoir si Hassan Diab était en France le jour de l'attentat. Après une nouvelle audition du principal suspect de l'attentat de la rue Copernic et celle de son ex-femme, la juge demande à ce que Diab soit relâché et placé sous bracelet électronique. Un scandale pour les parties civiles qui vont apprendre la nouvelle par voie de presse. De son côté, maître William Bourdon, l'avocat d'Hassan Diab, justifie cette décision car les charges dans le dossier d'instruction contre son client étaient, je le cite, « modestes dès le départ et elles se sont encore amenuisées avec le temps ». Mais 10 jours plus tard, nouveau coup de théâtre, la cour d'appel de Paris ordonne cette fois le retour en détention d'Hassan Diab. L'homme clame son innocence et dénonce un acharnement judiciaire. Parmi ceux qui ont du mal à croire à ces protestations, il y a Patricia Barbet. Elle avait 16 ans au moment de l'attentat. Son père, Jean-Michel, est l'une des 4 personnes tuées lors de l'explosion. Au micro de France Inter, elle réagit et demande que la justice fasse son travail. Il y a beaucoup de recoupements dans cette affaire et dans toutes les investigations qui ont été menées qui laissent à penser qu'effectivement ce monsieur était à Paris ce jour-là, dans cette rue-là, à ce moment-là. Après, la justice nous dira si c'était bien lui ou pas. J'ose espérer qu'il y ait un procès un jour et c'est un vrai espoir pour nous. Dans les mois qui suivent et tout au long de l'année 2016, Hassan Diab se retrouve au cœur d'une véritable bataille judiciaire entre le parquet de Paris et les juges du pôle antiterroriste. Tour à tour remis en liberté, puis réincarcéré. Aujourd'hui, il reste en détention provisoire, mais demeure considéré comme innocent dans l'attente d'un éventuel procès, comme le veut l'esprit de nos lois. It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting a all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean. Too. smoking pistol. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat de la rue Copernic. Notre invité, maître Bernard Cahen, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, vous défendez, vous accompagnez depuis le début de la procédure judiciaire, l'une des familles de victimes de l'attentat. On vous a entendu tout à l'heure vous exprimer. On pourrait avoir l'impression comme ça que, entre les mises en détention, les libérations, conflits entre la défense et les parties civiles, le parquet et les juges, que la justice a failli. Pas du tout. Tout ça est lié à un état de droit qui donne des droits. La justice a fait son travail, notamment grâce à Marc Trévidic. Hein. Et ce travail a été fait. Mais quelle trace laisse cet attentat dans notre mémoire collective? Parce qu'il y a eu l'attentat contre le restaurant John Goldenberg, puis des attentats islamistes ensuite. Je ne dis pas que l'attentat de la rue Copernic est oublié, certainement pas, mais quelle trace il laisse? Je pense qu'il laisse la trace du premier grand attentat, si je puis dire, qui est subi Paris. Jusque-là, c'était des attentats de banlieue. Là, c'est en plein centre de Paris, une communauté importante, un symbole important, et qui a donné lieu immédiatement à des réactions d'hommes politiques que vous avez tout à l'heure rappelées, et qui ont en quelque sorte donné un supplément de publicité à cet attentat, et qui font que celui-ci, vraisemblablement, est resté dans l'histoire. Je dois dire qu'on ne peut pas non plus oublier que Hacène Diab et son équipe seraient très vraisemblablement les auteurs de l'attentat d'Anvers, qui a lieu quelques mois après. Et malheureusement, la justice belge n'a pas conservé un dossier ouvert comme la justice française l'a fait, et le dossier a été purement et simplement classé. Alors, attentat au nom de la cause palestinienne, c'est ça? Indiscutablement, au nom de la cause palestinienne, il est vraisemblable que le FPLP était concerné par cet attentat. Alors on peut varier, est-ce que c'est le FPLP, est-ce que c'est des scissionnaires du FPLP? Pour moi, ce sont des terroristes palestiniens. Alors, pourtant, au début, on l'a vu de la part des hommes politiques et même de la société française, ou d'une partie de la société française, on voit la main de l'extrême droite. On voit la main de l'extrême droite parce que il y a des raisons légitimes, historiques, d'actualité, de la voir, ou c'est parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on ne veut pas voir, ce qui serait les attentats liés à la cause palestinienne? Je pense raisonnablement, et ça a été d'ailleurs personnellement ma première réaction, on a cru que c'était un attentat d'extrême droite. Sincèrement donc. Sincèrement, puisque il y avait toute une bande de jeunes qui se réunissaient dans un café du Trocadéro, c'est-à-dire à une centaine de mètres de la rue Copernic, et on a cru que c'était cette bande qui aurait pu être à l'origine de ceux qui ont posé cette bombe. Et puis finalement, on s'est rendu compte que rien de tel. Donc je pense que raisonnablement, il était légitime que dans un premier temps, on croit que ce soit un attentat fasciste, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Mais à partir de quel moment, on l'a dit dans le récit, mais j'aimerais au moins votre vos précisions, ou votre accord en tout cas avec ce qu'on a dit, à quel moment on pense que c'est une fausse piste, la piste d'extrême droite, et alors, qu'on l'abandonne? Peut-être plus rapidement que vous l'avez tout à l'heure cité, oui. Je pense que Bruguière s'est très rapidement rendu compte que la piste d'extrême droite ne menait à rien. Les jeunes qui étaient là étaient incapables de faire un attentat de cette ampleur. Et puis, on a eu ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire le remarquable travail du commissaire Leclerc et de la police, qui ont rassemblé des preuves, tant sur la moto, tant sur une voiture de location, tant sur les fiches qui avaient été signées. Bref, un certain nombre d'éléments objectifs qui permettaient de remonter à une personnalité chypriote, qui avait d'ailleurs utilisé deux noms différents, oui. Mais derrière ces deux noms, on retrouvait le même portrait, celui d'Hassan Diab. Alors, on va terminer sur le chapitre extrême droite, piste qu'on laisse tomber, en faveur de la piste palestinienne. Certains responsables de l'OLP à l'époque, hein, comme Mohamed Labadi, rejetaient toute accusation de participation dans l'attentat joint par téléphone dans le journal de France Inter du 6 octobre 1980. Mohamed Labadi, vous allez l'entendre, il se défend de toute implication. Comme OLP, nous sommes pas contre les juifs comme juifs, nous sommes contre les sionistes qui occupent notre patrie en Israël, mais pas ailleurs. Bien sûr, les Israéliens veulent ça parce que ils veulent toujours encourager les juifs d'immigrer en Israël. On dit qu'il y a tout de même des connexions entre les mouvements d'extrême droite antisémites en Europe et des organisations palestiniennes. C'est un mensonge parce que une fois nous sommes accusés d'être gauchistes, une fois nous sommes accusés d'être à droite. Alors, bien sûr, nous avons des relations partout, mais jamais des relations avec des forces fascistes. Nous sommes contre Israël, mais pas contre les Juifs. Ils sont contre les Juifs comme Juifs, mais pas contre Israël. Bref, dit-il, anti-sionisme mais pas antisémite. Bon, enfin, il dit ce qu'il veut en même temps. C'est la défense continue des Palestiniens. Ouais. Ceci étant, il représente l'OLP, et le FPLP était un mouvement dissident de l'OLP. Donc je considère qu'il, très probablement, il ne connaissait pas l'origine FPLP de cet attentat. Ceci explique cela. Ceci explique cela, Bien. Absolument. Alors, il y a l'épisode aussi de l'extradition. On sait que les extraditions, c'est toujours des procédures très compliquées, hein, qu'il faut s'armer de patience. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période de l'extradition? Ça a été pour moi un très long combat. Très long combat. Certes, c'est Trévidic qui était en première ligne, et il faut lui en laisser le mérite. Mais il faut bien se rendre compte que Diab était, vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure cité, soutenu par un assez large mouvement d'intellectuels libanais en particulier, musulmans certainement, au Canada, et qui vantait les qualités de cet homme, ses mérites, et le fait qu'il n'avait pas pu être un terroriste. Donc, grande difficulté à l'affronter. La communauté juive au Canada n'a pas senti que c'était son combat. Elle ne s'est donc pas, au moins dans un premier temps, impliquée. Et donc, ceux qui demandaient, c'est-à-dire le gouvernement français, quand je dis ceux, qui demandaient l'extradition de Diab, se heurtaient à des groupes de pression importants, y compris dans les médias canadiens. Donc ça a été un combat très difficile, à plusieurs étapes. Ils ont utilisé tous les moyens de procédure, ce qui est de bonne guerre. Oui, ils avaient de grands avocats extrêmement connus au Canada. Et le combat a été mené jusqu'à la Cour suprême du Canada. Il a fallu un arrêt de la Cour suprême pour que nous obtenions l'extradition. Ce qui est, répétons-le, un cas assez fréquent d'extradition dans les pays à qui on demande l'extradition. Ça monte souvent jusqu'à la Cour suprême ou à une autre instance suprême. Alors, vous avez d'autant plus raison que, comme vous le savez, la procédure canadienne est extrêmement différente de la procédure française. Et que donc, il était facile pour les juges canadiens et pour les avocats canadiens de prétendre que ce qui avait été fait dans le cadre de la procédure française ne pouvait pas être valide dans la procédure canadienne. D'où les combats de procédure. Marc Haen, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Yael Naïm. ברחתי למקום אחר כל כך מהר הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז האורות הולכים אפור ועננים אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני בניינים יפים אתם זקנים ואצילים כל כך אבל האם תחממו אותי בפריז אשליה היפה שלי נסי תפוס אותי אני בפריז שוב הולכת לאיבוד חלום עצוב אני כבר מפורסמת ושומעים עליי כאן בפריז עכשיו הקול שלך לוחש לי מרחוק אני מתגעגע בואי תחזרי אליי כבר מפריז אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך תרגיש כבר את החום המטוס נוחת ואין כבר עננים האושר מחלחל שוב לתוכי שלום Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Copernic avec d'autres invités, Bernard Cahen, avocat de parti civil qui défend une famille victime de cet attentat. On en arrive à l'épilogue évidemment qui sera le procès, mais comment expliquez-vous cette récente bataille judiciaire entre le parquet de Paris et certains juges sur la remise en liberté ou non d'Hassan Diab ? Explication très difficile. Je pense que Trévidic avait fait un grand travail, il s'est fait une grande publicité. Les juges, souvent, la magistrature n'aime pas beaucoup que certains d'entre eux apparaissent comme des vedettes. Et je crains que le juge qui lui a succédé ait effectivement pris un peu à partie le dossier construit par Trévidic et cherché à déconstruire en quelque sorte ce dossier. Pour être objectif, il a aussi lancé des commissions rogatoires au Liban qui ont amené l'audition de quelques collègues étudiants à l'époque de Hassan Diab, pour savoir si Hassan Diab était présent ou non le 3 octobre 1980. Question fondamentale. Hein. Question fondamentale. S'il est au Liban, évidemment, absolument. Il n'est pas récupéré. Il ne peut pas être en même temps à Paris. Les réponses sont, à mon sens, insatisfaisantes. Objectivement, au moins deux d'entre eux disent « oui, il était avec nous au moment de cette période d'examen ». Pas le 3 octobre, mais dans cette période. D'autres disent nous, on n'a aucun souvenir de l'avoir vu passer l'examen. Et dans ces conditions, il y a un doute qui existe. J'ajoute qu'il y a quand même des choses étranges dans les réponses de Diab. Il vous dit « je ne parle pas français ». Malheureusement pour lui, certains des examens, et en particulier les examens scientifiques, étaient en langue française. On ne voit pas comment il peut prétendre avoir réussi cet examen sans parler français. Et ses camarades disent « il parlait pas français aussi bien qu'il parlait arabe, mais indiscutablement, il parlait français, sinon il n'aurait pas pu être là. » Or, à chaque audience, il demande un interprète en disant « je ne parle pas français ». Donc vous voyez qu'il existe quand même, même si des armes ont pu être apportées à sa défense, il existe encore actuellement d'autres armes qui permettent d'avoir la conviction de sa culpabilité. Lesquelles ? Alors, c'est l'ensemble, si vous voulez, de ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce qui a été cité tout à l'heure, les expertises d'écriture qui sont faites par des experts judiciaires français, experts qui vont à l'encontre des experts canadiens, mais je rappelle qu'au Canada, les experts sont payés par les partis, sont à la charge des partis, alors qu'en France, les experts sont désignés par la justice et donc sont complètement indépendants. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont venues aussi faire part de leur conviction qu'ils étaient bien en France au moment du 3 octobre. Vous avez des amis très proches comme Monsieur Khalil qui vient dire, un, il était membre du FPLP, deux, je suis absolument convaincu que le portrait qui a été fait de lui correspond à son visage. Trois, son propre père qui vient dire à l'époque, il n'était pas au Liban avec moi. Donc vous avez quand même beaucoup d'éléments qui permettent de penser qu'il ment. Et à partir du moment où il ment, on a quand même des raisons de penser qu'il est coupable. J'ajoute que son innocence tient en grande partie, si on écoute mon confrère, à la présence de Mme Copti. Mais Mme Copti, ça a été son épouse. Manifestement, ils ont gardé des liens très proches. Et je ne pense pas que l'audition de Mme Copti puisse être considérée comme neutre dans ce dossier. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tenté d'accorder leur violon, tous les deux ? Oh, c'est très clair. C'est très clair. Elle refuse de répondre comme lui quand elle est entendue la première fois. Elle se retranche derrière l'amendement, cinquième amendement américain. Et puis par la suite, quand lui va commencer à parler, elle va parler. Alors qu'ils ne sont pas dans le même pays. Il est évident que les liens ont continué entre eux. Bon, alors effectivement, vous mettez en avant toutes les suspicions qu'il peut y avoir autour de cet homme. Sandia, toutes les présomptions. Mais enfin, il n'y a pas de preuves pour l'instant. Alors, je vous rappelle qu'en France, il suffit de présomptions. Il suffit d'une addition de présomption. Bon, ce qu'on appelle l'intime conviction. Ce qui forme l'intime conviction. Ouais. Moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir la conviction d'une culpabilité probable de M. Diable. Et que ces éléments doivent permettre au juge d'instruction de le renvoyer devant la cour d'assises. Alors, on y arrive. Et c'est la dernière question, elle est importante. On peut s'attendre à un procès. Quand est-ce que vous y voyez plus clair dans le calendrier ? Alors, le juge a en principe clôturé son instruction, tout en nous disant qu'il était encore possible d'avoir des éléments nouveaux, et ce d'autant que nous avons appris ces derniers jours que le gouvernement israélien a envoyé un complément de dossier auquel je n'ai pas encore eu accès, donc je ne peux pas en parler. Donc, si vous voulez, il n'est pas exclu qu'il prolonge encore quelques mois son instruction. Je pense que, tel qu'il est parti, il va aller vers une ordonnance de non-lieu. Tel que nous sommes partis, dans la logique du parquet, le parquet qui a interjeté appel de ces ordonnances de mise en liberté, interjetera appel de l'ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction de la cour d'appel aura donc à se prononcer. Si elle est logique avec ses décisions passées, elle décidera le renvoi devant la cour d'assises. Et nous pourrions avoir un procès, je dirais, ou plutôt fin 2018-2019. Bien, merci pour cette dernière précision importante, Maître Ken. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'attentat de la rue Copernic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Henri Bérec, qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons les fantômes du château de Vaux.